Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 249 spécial Jane Austen au cinéma. Et pour cette émission, je serai accompagné de Joël. Bonjour Joël. Bonjour. Donc Joël qui intervient régulièrement sur Radioactive. Oui. Avec qui nous allons évoquer ses goûts cinématographiques et la filmographie autour du thème du jour, donc Jane Austen au cinéma. En s'intéressant principalement à la peinture de la société de son époque, Jane Austen se livre à des analyses qui s'apparentent à celles de romans de mœurs, ce sous-genre romanesque qui examine les us et coutumes et les comportements de la petite noblesse anglaise à l'aube du XIXe siècle. Cet écrivain aussi se penche plus particulièrement sur les conflits que doivent traverser les femmes avant de trouver leur place dans la communauté, par conséquent, parce qu'il est à la base de toutes sortes de sources économiques pour elle, le mariage est bien sûr un thème récurrent de ses romans, mais pas que. Eh bien, on va commencer tout de suite la petite interview avec Joël, le traditionnel. Bravo. Alors, quelle est ta profession ? Alors, je ne sais pas si c'est une profession, je suis retraitée. Alors avant, j'étais enseignante, d'abord institutrice, et puis après, j'ai évolué, et puis j'ai terminé ma carrière à l'université, en tant que professeure de français langue étrangère. Et puis tu interviens donc sur Radioactive, comme je le disais. Voilà, parce qu'à la retraite, on a un petit peu plus de temps, donc on se dit, on pourrait peut-être faire autre chose. Et puis, parce que la retraite, ce n'est pas la fin de la vie, au contraire, ce n'est pas la fin de l'action. Eh bien, je suis bénévole à l'UFC Que Choisir, l'association l'UFC Que Choisir, donc une association de défense des consommateurs. Et je suis chargée de la communication, c'est à ce titre que je viens... Toutes les semaines, sur Radioactive pour faire une chronique consommation. Puis je pense qu'il y a du boulot, vu l'époque actuelle qu'on vit. Je crois qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Tu auras une retraite active sur Radioactive. Oui, très très active. Alors là, on va passer bien sûr à un autre sujet. Quels sont tes hobbies et passions dans la vie ? Alors j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors d'abord la musique et la danse traditionnelle, parce que moi je suis une folkeuse. Voilà. Donc, je danse depuis l'âge de 15 ans. Et puis, la musique, parce que je me suis mise petit à petit. J'aime bien aussi la broderie traditionnelle, la broderie blanche, la broderie bretonne. La lecture, la nature et l'observation de la nature. Et puis, bien sûr, la défense du consommateur. Ça peut être un hobby aussi. C'est un hobby. Alors, là, on va aller vraiment vers le cinéma. Quel est ton premier souvenir de cinéma ? Ah, je me suis posé la question, c'est quoi mon premier souvenir de cinéma ? Et tout de suite, c'était Bambi. Bambi, vous savez, moi je suis de l'époque où en fait on n'allait pas très très souvent quand même au cinéma. On allait surtout au cinéma à la sortie du Disney qui était à Noël. Donc à Noël, on allait au Majestic sur Tours. Et puis je me souviens surtout d'une queue sur le trottoir quand on arrivait avec ma mère. Et puis voilà, mon premier film, vraiment mon premier souvenir, c'est Bambi. C'est vrai que le cinéma à cette époque, c'était un souvenir... mémorable, c'était un événement, on pouvait dire. On y allait qu'une fois par an. Voilà, c'était très rare. C'est ça, on y allait qu'une fois par an. Des films pour enfants, il n'y en avait pas énormément. Et puis Disney, c'était la référence. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, on a le choix avec les animés japonais, oui, Pixar. Moi, ça a été le cas. Et souvent, les invités de notre génération, en général, nous disent le Disney traditionnel. Oui, tout à fait, c'est ça. Et quel est ton format favori de ciné ? Tu serais plutôt 3D, noir et blanc, VO, numérique ou traditionnel ? Alors, je fais très traditionnel. Je suis toujours traditionnel. Alors, pas de 3D, ça c'est clair. Je ne sais pas, j'arrive pas. Pourtant, je suis sûre que ça doit être super. Mais non, ça me donne mal aux yeux. Je n'arrive pas à rentrer dedans. Je suis plutôt noir et blanc, j'aime bien le noir et blanc. Mais ça c'est des souvenirs d'adolescence. VO de préférence quand c'est possible, voilà. Oui, donc un petit peu, quand même assez éclectique, puisque tu... Bon, la 3D, je te rejoins un peu, c'est vrai qu'on a vendu ça. La preuve, en ce moment, on voit de moins en moins de films 3D. À un moment, c'était... On sortait tout et n'importe quoi en 3D, oui. Sachant qu'il y a 15 minutes de 3D dans un film véritable. Je suis pas aussi... Comme tu l'as dit, parce que les yeux, on s'est aperçu Moi, j'ai été voir un Harry Potter, je crois, qui était en 3D avec un de mes enfants... Ça, et du coup, je me rappelle même pas de ce film parce que j'étais plus omnubilée par les problèmes de vision que j'avais, par ces lunettes qui me gênaient. Enfin, je sais pas, mais c'était pas ça. Oui, bah à part vraiment Avatar, qui est vraiment le film qui a vraiment révolutionné, qui valait vraiment le coup. Mais bon, souvent, ça a été un gadget pour moi. J'ai trouvé ça plus gadget et on a mis ça à toutes les sauces, aussi bien les films d'horreur, les films d'aventure. Voilà. Ah, du sang en 3D, ça doit valoir. Oui, non, bah, je me souviens des couteaux qui arrivent dans la tête. Je crois que c'est Destination Finale où on voit, voilà, on a l'impression qu'on va recevoir. Bon, voilà. Vaste question, qui est souvent la plus dure. Que représente le cinéma pour toi ? Alors là, difficile, en effet. Alors pour moi, c'est vraiment un moment complètement entre parenthèses. C'est-à-dire que quand je vois un moment, quand je vois un film, bah, je passe dans le monde du film. Voilà, je suis vraiment dans le film, je suis captivée par l'écran. Je serais un petit peu comme, je crois qu'il y avait un film comme ça où l'enfant passait dans l'écran, derrière l'écran. Bah, je suis un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je suis dans le film. Et d'ailleurs, j'ai du mal souvent à arrêter. Une fois que le film est terminé, On a envie de rester. Oui, c'est un peu comme un bon rêve. Oui, voilà, c'est ça. J'ai du mal à revenir à la réalité. Je me suis rendu compte d'ailleurs que j'avais une lecture un petit peu aussi visuelle comme ça. C'est-à-dire que quand je lis un livre, je vois dans ma tête en film, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un moment hors du temps. Oui, bah, je pense. Pour moi, c'est ça. C'est quand je vais au cinéma, j'oublie tous les problèmes. Je vais dans une nouvelle aventure. Ah oui, et oui, on oui. quitte le monde, enfin, la réalité quotidienne, même si certains films sont plus attachés à la réalité quotidienne, mais quand même, bon, voilà. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors là, question, on en parlait off, quel est ton ou tes trois films préférés ? Oh, trois, zut ! Pour ça que je dis trois, parce que des fois c'est dur, un. Alors, c'est vrai que j'ai eu du mal à réfléchir à cette question, hein. Alors, des coups de cœur, oui, c'est surtout des souvenirs du ciné-club du collège. Dans mon collège, il y avait un ciné-club qui a été organisé par un professeur. Je le remercie beaucoup, ce professeur, d'avoir organisé ça, parce que c'est vraiment mes premiers souvenirs, mes premières découvertes de films. Alors, c'est idiot, mais c'est Les Contrebandiers de Moonfleet. C'était un film de Fritz Lang, hein, qui avait été passé justement à l'époque. C'était déjà le mercredi. Et c'était, Ciné Club le mercredi. Contrebandier de Moonfleet avec Stewart Granger. J'étais amoureuse de lui, ça c'est clair. C'est un enfant qui était le héros. Et puis, puis c'était un drame. À la fin, il meurt. Enfin, une histoire de pirate et tout. Ça m'avait beaucoup marqué. Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa, ça aussi, pareil, découverte du ciné-club. Et puis, M. le Maudit, de Fritz Lang. Voilà, si je devais en citer que trois, parce qu'autrement, j'en aurais d'autres. Hein. Ah, mais bon, voilà. Bonne référence, hein, quand même. Découverte de ciné-club, vraiment. C'est ça ce qui m'a marqué. C'est l'intérêt, justement, des ciné-clubs. Voilà, mais après, je ne suis pas non plus fermée. J'aime aussi les Star Wars, je suis une grande fan de Star Wars. J'aime Le Seigneur des Anneaux, j'aime Le Silence des Agneaux, ne pas confondre. Je suis une fan des Dents de la Mer, le premier, je n'aime pas les autres. J'aime bien Blade Runner, j'aime bien Hitchcock, Les Oiseaux. Donc, tu es une vraie cinéphage. Eh ben, je ne pensais pas l'être, tu vois, parce qu'en fait, je vais très rarement au cinéma, mais... Tu vois quand même des films. Oui. C'est ce que je dis, et souvent je dis aux gens de l'émission, c'est pas que d'aller au cinéma, c'est super d'aller au cinéma parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance, il y a... Et puis parce qu'il faut faire vivre. Un cadre, il faut faire vivre le cinéma, bien sûr, et puis... mais tous les films, pour moi, ne valent pas le grand écran, forcément. Oui, ah ben, ça c'est sûr. Je ne citerai personne. Moi non plus. sinon, quel est ton acteur préféré ? Alors, je n'ai pas d'acteur préféré. Alors, ce que j'aime bien chez les acteurs, en fait, c'est quand ils sont capables de changer de registre, de faire de choses très différentes. Alors, je vais peut-être être étonnante, mais Leonardo DiCaprio, ben, je trouve qu'au cours de sa carrière, il a fait vraiment des rôles tellement, tellement différents que je trouve que c'est un très bon acteur. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas joué que sur sa belle gueule. Oui, parce oui, que oui, il n'est pas resté, voilà. Il est pas resté dans la glace, hein, il n'a pas coulé avec le Titanic. Je l'ai vu dans d'autres films où vraiment j'ai trouvé qu'il jouait sur des registres complètement différents. Et ça, c'est ça ce que j'aime bien chez un acteur. Bon, bah, c'est un acteur, la différence avec un comédien. Oui, voilà. Voilà. Un acteur, il est capable de jouer n'importe quoi et d'être crédible. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça m'est venu à l'esprit celui-ci, mais je pense qu'en réfléchissant, j'en aurai d'autres, peut-être. Au niveau des actrices. Ah, actrices, alors là, je vais être très classique. J'aime bien Emma Thompson. J'aime bien la femme, j'aime bien ce qu'elle joue. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est... Parfois, oui, c'est... on a un truc qui... Puis elle a joué dans des films de Jane Austen. Donc... Voilà, il y a ça aussi, je pense. Mais elle aussi, vous voyez, elle a fait des choses très différentes. Elle a même joué dans les Harry Potter. Voilà, elle s'arrête pas. Elle a joué du Shakespeare. Oui, elle s'arrête pas. Ils prennent pas de frontières, ces gens-là. Oui, voilà, c'est ça. Ils vont aussi bien faire du film d'auteur que d'aller faire un blockbuster à Harry Potter. Ils n'hésitent pas à faire ça. C'est ses choix. Alors peut-être qu'ils ne font pas eux-mêmes. Hein. C'est peut-être aussi leur agent qui leur dit. Mais bah, arriver, je pense, à un certain niveau comme je elle. Je pense qu'ils le choisissent. Ils choisissent. Voilà, je pense bon, qu'ils c'est vrai, quand on commence, on prend un petit peu. Bon, il y a plein d'acteurs hein, qui ont commencé. C'est comme, par exemple, des gars comme Johnny Depp, il a commencé dans Les Griffes de la Nuit. Le premier à être trucidé, c'est lui. Donc quand on voit la carrière qu'il a derrière, ça. Oui, oui, et il y a voilà. plein d'acteurs comme ça qui ont fait des petits caméos et qui. Après, quand ils ont le choix, oui, ils choisissent vraiment. Mais c'est ça, j'aime bien les acteurs et les actrices qui n'hésitent pas à changer de registre, qui n'hésitent pas à changer de style. Voilà. À la Clint Eastwood. Voilà. Ah bah oui. Par alors voilà. Lui, oui, c'est oui, vraiment tout à le, fait. Le. Alors Clint Eastwood, en plus, j'aime bien. En plus, ses réalisations, voilà. Et justement, on va passer aux réalisateurs. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui te marquent un peu plus ? Alors, encore une fois, hein, c'est marrant comme on est vraiment marqué par ce qu'on a vécu dans son adolescence. Hein. Moi, c'est Akira Kurosawa, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Les Sept Samouraïs. Et puis après, j'ai été beaucoup au cinéma, bah, Derzu Ozala. Je me souviens que la première fois que j'avais été voir Derzu Ozala au cinéma, au studio, j'étais arrivé à la fin du film et je n'avais pas compris. J'avais pas compris et j'étais avec une amie et ben le lendemain, le jour d'après, on y est retourné. On y est retourné parce que je pense qu'on s'attendait à autre chose et on avait été surprise. Et on voilà. Et ça, Barberousse, j'en parlerai tout à l'heure, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et puis Fritz Lang aussi, parce que Fritz Lang, bah, c'est M. le Maudit, c'est mes premières amours de cinéma. C'est Docteur Mabuse. Oh, je l'avais vu avec mon père, j'adorais ça. Et Le Tigre du Bengale. Le Tigre du Bengale. Voilà, une pépite. Et sa suite, Le Tombeau Hindou. Donc c'est vraiment. Voilà, Fritz Lang est ce genre de réalisateur qui a balayé Aventure. Ah, oui. Polar, M. le Maudit, ça tire vers là. Oui. Et puis John Ford aussi pour les westerns. Oui, voilà. C'est les classiques. Je suis très classique, très traditionnel. Non, mais c'est bien aussi d'avoir une culture ciné, d'avoir des bases, parce que ces gens-là ont influencé tous les grands réalisateurs. Oui, bien sûr. Après, un gars comme Tarantino, par exemple, dit bah oui, heureusement qu'il y a eu ces gars-là. Parce oui, que... bien sûr, ils nourris, hein, c'est clair. Et Christophe Gans, que j'ai eu il y a quelques semaines, me disait pareil. Il dit, bah, heureusement qu'il y a eu des grands anciens, entre guillemets, pour nous amener à cette culture. Tu parlais tout d'Akira Kurosawa. Bah, il m'a dit oui, bah, c'est ce qui m'a permis d'aller vers tout le cinéma asiatique et puis de chercher un petit peu, puis d'aller un petit peu plus loin. Bien sûr. Alors là, on va parler musique, comme c'est un tes hobbies. Est-ce qu'il y a une musique de film que t'aimes particulièrement entendre ? Alors, en gros, j'aime bien le compositeur Ryuji Sakamoto. Hein. Alors, je veux dire, c'est le côté japonais encore. Hein. Celui de Little Buddha. La bande son est magnifique. Vraiment très très belle. J'aime bien aussi parce qu'il a fait aussi celle de Furio. C'est ce que j'allais dire. Avec voilà. Voilà. C'était aussi pareil, encore une fois, des souvenirs. Et c'est une musique que j'aime beaucoup encore réécouter. Ça m'arrive quand je travaille de mettre. Alors je mets curieusement quand je travaille, je mets souvent des musiques de films en fait. Je me suis fait une des playlists. Alors après, j'en ai beaucoup. Je ne sais même pas parfois à quel film ça se réfère, mais voilà. C'est un plaisir. Voilà. Des oreilles. Des oreilles, oui, non, oui tout à fait. C'est vrai qu'en plus, contrairement à des chansons où il y a les paroles qui peuvent nous... Alors qu'on est vraiment plongé, quand c'est que des musiques de films, il y a la musique qui est derrière, pour l'inspiration. Et puis, il y a beaucoup de musiques minimalistes maintenant qui sont faites pour le cinéma et qui sont vraiment magnifiques. Maintenant, je vais te proposer une bande originale de film. Waouh. Tirée, influencée, c'est Bridget Jones, parce que c'est oui. une grosse influence de Jane Austen, revisitée à notre époque, mais tout bon, hein, le personnage comme Darcy, on comprend, et puis un petit peu son fonctionnement. Oui. Donc voilà, bah, je te propose d'écouter Kiss That Girl de Sheryl Crow, qui était dans le premier. Tout à fait. Eh bien, on revient avec Joël, notre invité du jour, sur le thème spécial Jane Austen, et puis aussi tes goûts cinématographiques. Alors, quel genre de film n'aimes-tu peu ou pas ? Alors, je ne suis pas fan des films d'horreur. Hein. Les films hémoglobine, terreur, alors ça, non, j'ai du mal. J'irai pas en voir au cinéma parce que je pense que ce serait pas la peine que je paye une place pour garder mes mains devant les yeux pendant tout le film. Donc, j'aime pas trop ça. Ça c'est clair. J'aime pas non plus les films trop intellectuels. Et puis, alors, une chose dont j'ai horreur, c'est quand on me dit « il faut absolument que tu ailles voir ce film ». Alors ça, j'ai horreur déjà, moi ça me bloque. Quand les critiques sont trop bonnes, dithyrambiques, on me dit « Ah, oh, j'ai lu dans Le Monde une critique géniale, il faut absolument que tu ailles voir ce film ». Alors là, c'est clair, j'irai pas le voir. Moi, j'ai plus tendance à voir les critiques des amis qui me connaissent bien et avec qui on a vu beaucoup de films. Oui. Ils vont me dire « Je pense que ça te plaira ». C'est plutôt ce genre-là qui va m'intéresser. Oui, moi, j'aime bien faire mon avis, mon propre avis. Puis moi, pour moi, les critiques, c'est des cinéastes ratés. La plupart du temps… Ah, c'est dur. Mais c'est la vérité, la plupart du temps, sont pédants. Et, bah, il y en a beaucoup que j'ai rencontrés. Voilà, c'est leur avis, leur avis et avant tout, voilà, il n'y a qu'eux. Après, chacun a ses sensibilités, oui, voilà, son vécu. Je pense qu'on peut voir, on pourrait tous les deux voir un film et ne pas le ressentir de la même manière, ne pas aimer les mêmes passages, ne pas aimer, voilà, ou d'aimer au contraire ensemble quelque chose. Non, ça, non, tout ici, à fait. Ça nous arrive souvent à Radioactive avec les différents chroniqueurs. On voit le même film, on l'a vu et on n'est pas forcément d'accord. C'est, régulièrement. On oppose nos visions, bien sûr. Mais voilà, on respecte l'avis de l'autre parce que chacun a sa vision du film et puis bon, on arrive à avoir un certain consensus sur certaines parties du film. Ou... Tout à fait. Donc voilà, c'est très bien d'avoir cet esprit-là. Par contre, quel est le genre de film que tu aimes bien ? Alors, encore une fois, hein, souvenir. En fait, mon père adorait les westerns et j'ai vu énormément de westerns avec lui quand j'étais petite. Donc c'est un genre que j'aime bien, voilà, vraiment, La Chevauchée Fantastique, La Prisonnière du Désert, alors ça c'était un de mes Rio, préférés, Rio Bravo, Rio Grande, enfin, voilà, les sept mercenaires, bah voilà, oui, les sept mercenaires, pour faire Pendant aux sept samouraïs, La Charge Héroïque, enfin voilà, tout ça c'est plutôt des souvenirs, donc c'est vraiment, ça m'est resté, dès qu'il y a un western qui est programmé à la télé, un film, mon conjoint sait que ce jour-là, bah, il va se taper un western. Je suis un peu le même. Moi j'aime bien, et même ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des nouveaux westerns, la nouvelle génération, qui sont pas mal. Oui, c'est redevenu un peu. Bah justement, on parlait de Clint Eastwood tout à l'heure, Pale Rider, par exemple, c'est un très bon western. Voilà. Oui, il y avait même des remakes. Les frères Coen avaient fait le remake de $100 pour un shérif. Oui. Mais j'avais été déçu un petit peu parce que là, il avait vraiment fait une copie. Oui. J'aime bien quand on adapte avec une autre histoire, et alors quand c'est. Oui, c'est parfois je me demande pourquoi faire des remakes alors que le premier est très bon. Voilà, des fois ça. Bon, mais c'est valable pour tout. Hein. Oui. Maintenant, si je te demandais un film qui t'a marqué en bien ou en mal, que tu te souviendras toujours. Ça peut être une scène, ça peut être le film. C'est... mon premier réflexe a été de dire Les Dents de la Mer, parce que je n'ai plus jamais nagé en mer de la même manière après l'avoir vu. Non, ça c'est un peu en plaisanterie. En fait, le passage qui m'a le plus marqué, c'est dans Barberousse, justement d'Akira Kurosawa, j'en parlais tout à l'heure, où il y a, je ne sais pas combien de temps, c'est impossible de retrouver cette scène, j'ai essayé de la retrouver. C'est une scène où en fait un homme meurt, un vieillard meurt et tout est filmé, il y a un gros plan sur sa bouche et c'est je ne sais pas combien de temps peut durer cette scène. Moi elle m'avait paru très très longue et en même temps magnifiquement filmée. C'est un film qui est en noir et blanc, c'est même pas du, on pourrait croire que c'est du voyeurisme, voilà, mais non, au contraire, c'est filmé tout en pudeur, c'est magnifique. Oui, alors que c'est un sujet très très angoissant. Oui, c'est angoissant en même temps, mais c'est, ça passe. Et il a rendu ce passage de la mort magnifique. Maintenant, quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Ça va étonner, Jane Austen a gâché ma vie. D'accord. Je n'en parlerai pas. C'est un aveu ou quoi? Non, c'est pas du tout un aveu. Je suis allée il y a un mois environ à un festival de danse, de musique, de contredanse anglaise. Et c'est un festival deuxième année qui existe à Ligueuil. Et j'y vais chaque année, donc soit pour faire de la danse, de la contredanse anglaise, soit pour jouer de la musique. Et donc, généralement, il y a des lectures aussi qui se font sur Jane Austen ou sur des choses connexes. Hein. Et puis, il y a toujours un film. Donc, cette année, c'était Jane Austen a gâché ma vie. Alors, bon, je suis un peu... J'étais un peu sévère sur le film. Mitigé, quoi. Oui, très, très mitigé sur le film. Mais bon, voilà. C'est le dernier film, comme quoi je n'ai pas été au cinéma depuis un mois. Eh bien, là, tu fais ton festival maintenant. Imagine que tu choisis trois films à faire découvrir à des amis, Voilà, t'as envie de faire une ta petite soirée cinéma, qu'est-ce que tu nous ferais ? Alors c'est amusant parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'on se dit, j'ai une bande de copines hein, avec qui justement je vais au festival de Aligueuil sur Jane Austen. Nous sommes tous des austiniennes, comme on dit, des fans de Jane Austen. Et alors Jane Austen, hein, moi oui. Je suis pas voilà. Et en fait, notre rêve, ce serait de faire une nuit thé. Muffins et film de Jane Austen. Alors bien sûr, Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiments, mais enfin, on va en parler tout à l'heure. Oui, dans voilà. Le plus, pas vu, on va ou alors faire pareil, une soirée... Moi j'aime bien les trucs à thème. Moi, je me souviens des nuits du studio, par exemple, une nuit du studio, mais il y a très très longtemps, hein, ça date, hein, parce que maintenant j'y vais plus, je fais autre chose. C'était une nuit de l'horreur, justement. Je disais tout à l'heure que j'aimais pas ça. Et ben voilà, j'aimais bien faire des nuits comme ça, nuit du western, une nuit du policier. Ben, ça me plairait. On a de la chance à Tours d'avoir les deux partenaires qu'on a, les studios et le cinéma CGR Centre. Et ils font des soirées comme ça, voilà. Des soirées cultes, des soirées à thème. Que c'est... Et puis ça permet de se rattraper des films que des fois on n'a pas vus sur le grand écran. Tout à fait, ou qu'on n'aurait pas eu. Ou qu'on n'aurait pas eu peut-être l'idée. Voilà. Et comme c'est dans la playlist, entre guillemets. Oui. On dit, tiens, celui-là, je l'ai vu. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Bon, au moins, je vais découvrir. Oui, puis il y a une ambiance. Et puis il y a l'ambiance. Non, ça, c'est génial. C'est toujours, toujours sympa. Les trois films, tu ne nous as pas cité les trois films. Non, je n'ai pas. Tu fais la soirée Austen, non. Mais tu n'as pas. Non, parce que ça, on va en parler peut-être tout à l'heure. Ouais, des films. On va parler des films, t'en fais pas. Et tu auras même une liste si tu veux organiser ta soirée. Oui, après, tu pourras faire ton complément. Eh bien, maintenant, on va passer au portrait cinémois. Si tu étais un film. La vie est un long fleuve tranquille. Excellent. Non, parce que j'aime bien cette phrase déjà. Oui. J'aime bien cette phrase. J'aime bien ce que. Voilà, le film m'a fait rire. Moi, j'aime bien. Oui, puis on a découvert des gens qui sont devenus oui, puis, célèbres. Un humour, mais vraiment. Oui, ou alors. Après, Le Père Noël est une ordure. Ça, pour moi, c'est un classique. Et hein, franchement, qui n'a pas vu ce film ? Enfin, il y en a plein, mais je conseille. Conseil. Absolument à voir. Si tu étais un acteur ou une actrice ? Alors, je préfère quand même... j'ai cité tout à l'heure Emma Thompson, mais là, j'étais plutôt actrice française, Jeanne Moreau. J'aime beaucoup Jeanne Moreau. J'ai une grande tendresse pour elle. Je trouve qu'elle a fait des films magnifiques. Je l'avais vu dans Julie Jim, hein, ça c'était vraiment son rôle. Mais dans d'autres films, enfin, je trouve que c'était une belle personne. Voilà. Oui, c'est vrai que voilà. C'était un petit peu l'opposé à Bardot à l'époque. C'était les deux stars. Oui, françaises. Oui. Alors, je sais pas, tu t'attendais peut-être Brigitte Bardot. Non. Mais je pense, elles ont été souvent opposées. On a toujours oui, des. Tout à fait. Par exemple, Delon Belmondo. On a toujours oui, des. Tout à fait. Deux, trois personnes qui émergent de leur génération. Oui. Donc, c'est pour ça que je pensais. Et moi, je les vois tous les deux dans Viva Maria. Oui, qui est repassé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à la télé. Toutes oui. Les deux, et elles sont vraiment oui. Elles sont emblématiques du cinéma de ces époques. Même oui. Jeanne Moreau a fait une carrière beaucoup plus longue que Brigitte Bardot. Oui, et puis peut-être plus riche. Et puis on peut la voir vraiment dans des rôles, les valseuses par exemple. Encore une fois, on s'attend pas dans les valseuses. Voilà, tout à exemple. Fait. Encore une fois, quelqu'un qui n'a pas hésité à changer de registre. Puis à se mettre en danger, comme oui, on dit. Oui, tout à fait. Film. Eh bien, ce que je te propose, c'est une seconde pause musicale avec une musique de Fernando Velázquez qui s'appelle Darcy, du film Pride and Prejudice and Zombie. Donc, une version, on verra tout à l'heure dans le quiz vu pas vu, de Jane Austen revisitée avec des zombies. Et la musique est assez sympa. Thank you. Eh bien, avant de passer à notre dernière partie spéciale Jane Austen avec les quiz vues par vues, on va parler un petit peu de mes coups de cœur vidéo. Eh bien, mon premier coup de cœur vidéo, c'est Only the River Flow, un film noir policier chinois de 2023, réalisé par Wei Shun-jun, qui a coécrit le scénario avec Kan Chulai, d'après la nouvelle de Yua, Erreur au bord du fleuve. Alors, le film met en scène Mazi, un chef de police joué par Zhu Yilong, enquêtant sur une série de meurtres dans une ville riveraine de la Chine rurale des années 90. Bien qu'une arrestation soit rapidement effectuée, des indices poussent le policier à creuser plus profondément le comportement caché des habitants et à reconstituer la vérité. J'ai vu ce film il y a 2-3 jours, et c'est intéressant de voir la société chinoise dans les années 90. On voit vraiment qu'il y a, et en plus, la société rurale, donc on voit le rôle du parti... un petit peu qui contrôle un petit peu tout, le fait aussi que les gens sont très secrets. Il y a une autre façon de voir, pour enquêter, différente de tous les polars qu'on voit. Moi, j'ai trouvé ce film assez intéressant, très noir, aussi bien dans les décors. Les acteurs sont, on peut pas dire attachants, mais on voit qu'ils ont une vie, oulala, bah, j'aimerais pas avoir leur vie. Hein. Même lui qui est policier, ils ont une vie misérable, il faut le dire. J'ai eu des étudiants chinois pendant de nombreuses années et c'est vrai que je parlais souvent de cinéma avec eux et je pense que le cinéma chinois est à découvrir. Et très intéressant. On connaît bien le cinéma japonais, on en parlait tout à l'heure, le cinéma coréen qui maintenant est très à la mode, mais il y a des bonnes pépites chinoises qu'on découvre de temps en temps, mais il ne faut pas hésiter. Et c'est une autre vision de la société et c'est bien aussi de voir autre chose. Oui, tout à fait. Ensuite, eh bien, j'ai mon coup de cœur rétro. Alors là, c'est différent et ça va te concerner puisque c'est un professeur. Ah, donc, c'est 187 Code Meurtre, 187. Donc, un film américain réalisé par Kevin Reynolds, sorti en 97. Et donc, c'est l'histoire à New York. Trevor Garfield, joué par Samuel L. Jackson, est professeur de biologie au lycée Roosevelt Whitney, un établissement dit difficile dans le quartier de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn. Et un jour, il est agressé et gravement blessé par l'un de ses élèves. 15 mois plus tard, il accepte un poste d'enseignant suppléant dans la vallée de San Fernando, près de Los Angeles. Il doit enseigner dans la John Quincy Adams School, un établissement où règne aussi une violence, c'est Los Angeles. Là, c'est tout ça. Trevor décide alors de répondre à la violence par la violence. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je ne connais pas. Moi, j'en avais entendu parler. Pareil, je me suis vu il y a 2-3 semaines. Il y a eu Classe 84, il y a eu plein de The Substitute. Et je trouve que c'est bien d'aborder parce que là, on voit que quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui pète les plombs, quoi. Et j'aime bien de temps en temps... faire passer ce côté lisse, bon, bien c'est sûr, c'est les États-Unis, mais quand on voit ce qui se passe en France, on a des questions à se poser, je pense. Ça, malheureusement, on arrive à ce genre de situation là depuis quelques années, et voilà, on pensait pas, moi je pensais pas qu'un jour ça puisse arriver des professeurs agressés par des gamins. Là, récemment, un gamin de 7 ans a sorti un couteau avec un professeur. Oui, pour nous, c'était vraiment l'image des États-Unis, quoi. C'était l'image des États-Unis, de la violence, des grandes tueries, hein, Columbus. Voilà, on était avec ça. Et c'est vrai que malheureusement, ça se multiplie un peu partout. Ça fait peur, pour moi. Et le pire, c'est que de voir des jeunes enfants. Bon, les ados, ça toujours... Bon, il y a eu le film Graines de violence, Potier, on avait déjà ce... et où il y a des films... Mais là, vraiment, on arrive à avoir des... Maintenant, il va falloir quoi mettre des matons ou ça devient débile. Peut-être que les parents devraient faire un peu plus attention. Voilà, je pense qu'il y a, il y a une grande partie, l'éducation, comme disait, c'est les parents, les grands-parents. On fait ce qu'on peut en même temps. Mais venant moi du milieu animation, on a le même problème. Hein. Les parents, c'est l'enfant roi. Non, l'enfant n'est pas roi. Là. Il y a des droits et des devoirs, hein, comme je dis toujours. On ne va pas partir sur ce thème. Voilà. Eh bien, mon coup de cœur news, c'est 3 ans après le succès de la mini-série Tapis, sacrée meilleure série étrangère au BAFTA TV Award 2024. Laurent Lafitte va retrouver Tristan Segala dans un thriller à venir et le réalisateur revient avec ce thriller tourné en France et au Sénégal. Ça s'appellera Clean, qui suit l'histoire de Léonard Landry, avocat et pianiste, victime d'une overdose en pleine audience. Le film offre un casting 5 étoiles, puisqu'on va retrouver Carole Bouquet, Mélanie Laurent et Anthony Bajon aux côtés de Laurent Lafitte. Donc, surprise à voir. Eh bien, nous allons revenir sur le thème de Jane Austen, bien sûr, avec, je vais te demander, quel est ton film favori sur le thème du jour ? Alors, film. Oui. Parce que les séries, c'est autre chose. Voilà, alors les séries, c'est autre chose. Alors, je vais quand même, tu vas me permettre de le dire quand même, la meilleure adaptation, c'est celle de la BBC, de la série de la BBC, en 6 épisodes, qui est vraiment avec Colin Firth dans le rôle de Darcy. C'est vraiment le. Voilà, c'est le Graal. On voit qu'il aime ça, hein, parce qu'on a parlé de Bridget Jones tout à l'heure. Il était déjà dans Darcy. Alors après, si vraiment on passe, si on met de côté cette série, le film favori, c'est quand même Orgueil et Préjugés, bah, le film de 2005 hein, de Joe White hein, avec Keira Knightley, j'espère que je le dis correctement. Oui. Voilà, c'est quand même c'est une bonne adaptation, ça c'est clair. Alors pour toi, quel est l'acteur ou l'actrice qui représente le mieux ce thème de Jane Austen ? Eh bien justement, c'est Colin Firth, toujours. Et je suis désolée, mais partout où on pourrait voir Jane Austen, tout de suite, on voit Colin Firth. Ça c'est clair, je suis désolée, c'est toujours la série qui remporte. Alors après, Keira Knightley, je trouve qu'elle est pas mal dans le film, voilà. Elle est bien. Et c'est marrant parce que ces deux acteurs... Justement, moi, je les ai vus dans pas mal de films comme ça. Et on les a vus dans des péplums comme La Dernière Légion ou Centurion. Voilà, c'est des gens qui sont capables de jouer dans plusieurs registres. C'est ça qu'on sait, c'est des bons acteurs. Oui, c'est ça. Ce sont des bons acteurs. Alors, quelle musique de film sur le thème d'aujourd'hui préfères-tu ? Est-ce qu'il y a... Ah bah, encore une fois, je vais faire un carton gagnant pour Orgueil et Préjugés, hein, parce que Dario Marianelli, qui a fait la musique d'Orgueil et Préjugés, alors c'est une musique, vous savez, au piano, alors je ne sais pas si vous voyez cette scène, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais où à la fin du film, elle se promène dans la campagne, et surgit sur la lande, au milieu du brouillard, Darcy, et il y a cette petite musique lancinante qui est jouée, qui est magnifique. Donc voilà, c'est un compositeur qui est peut-être pas aussi connu que d'autres, mais il a fait quand même la musique des Frères Grimm, de Reviens-moi, de Jane Eyre, justement. Donc il a fait toujours un petit peu ce genre de musique qui est vraiment très très belle. Elle fait partie de ma playlist. Quel est ton personnage favori du film ? Darcy et Miss Elizabeth Bennet, bien sûr, Lizzie Bennet, ça c'est clair. Hein, non, de toute façon, je crois que si j'étais dans une chronique littérature, on me demanderait mon livre à emmener, je dirais La Peste de Camus et Orgueil et Préjugés. Mince, j'en ai deux. Voilà. Bah c'est... Voilà. Orgueil et Préjugés, ça c'est un incontournable. Eh bien, nous allons passer au quiz vu par vu. Alors, non exhaustif, comme je dis. Hein, bon, moi, j'ai fait mes petites recherches. J'ai vu certains, d'autres pas. Donc, on va les commenter si tu as envie de les commenter. Oui, après, d'accord. Tu dis vu, pas vu, hein, comme son. Oui, son oui, moi, je vais être honnête. Voilà. Alors, on commence avec la première version que j'ai trouvée d'Orgueil et Préjugés de Robert Z. Léonard en 1940. Alors, en 1940, je l'avais vu, hein, mais noir et blanc. Peut-être, non, non, ça c'était après, justement, c'était par curiosité pour savoir, mais je crois que j'étais tellement prise, je suis désolée encore d'en parler, par la série, que oui, elle est bien faite, mais... Bon, mais voilà. Voilà, bon. Ensuite, on a Persuasion en 71 d'Howard Baker. Alors, Persuasion, alors lequel ? Celui de 71. Alors, celui de 71 ne me dit rien. Ah non, d'accord. Je ne le connais pas. Non, désolé. Ensuite, le Emma de 77 de John Glenster. Alors, je ne le connais pas non plus. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse du rattrapage ? Et ça, c'est des versions britanniques. Hein. D'accord. Ensuite, on a Orgueil et Préjugés en 80 de Cyril Coq. Alors, je crois l'avoir vu celui-ci, mais pareil, il ne m'avait pas marqué. Ensuite, en 80, toujours, on a Raison et Sentiment de Rodney Bennett. Pas marqué non plus. Ensuite, on a Mansfield Park de David Gillis en 1983. Alors, 1983, Mansfield Park, oui, alors attendez, parce que Mansfield Park, il y en a plusieurs qui ont été tournés. C'est ce qu'on va justement, on va revenir. Ah oui, pour alors... ça, pour l'instant, je ne donne pas les résumés et les plus récents. Non, je, non, non. Je alors, moi, j'ai vu les plus récents. Hein. Non, non. Des plus anciens comme ça, non, je ne les ai pas vus. Ensuite, on va à Northanger Abbey de Gilles Fosser en 1986. Ah oui, non. Oh là là, mais il va falloir que je m'y mette, hein, là. Donc, la liste va être utile. Ah oui, la liste va être très utile. Et donc, on arrive à des séries, non, pas des films plus récents. Plus récents. Donc, on a Raison et Sentiment, 1995, la version de Ang Lee. Oui, donc, ça, c'est, oh, bah, c'est la mieux. Voilà, avec Emma ça, Thompson. Ça, c'est la mieux, avec Emma Thompson. Qui joue Eleanor, avec Kate Winslet, qui joue Marianne. Voilà, et puis Alan Rickman, hein, qui est magnifique dans le Colonel Brandon, voilà, vraiment. Et puis, ça, c'était... Et on trouve Hugh Laurie aussi. Oui, Hugh Grant. Non, Hugh Laurie aussi. Oui, qui jouait. Et qui joue un des personnages secondaires, mais c'est celui qui a fait la série Urgence. On le retrouve dans un petit rôle. D'accord. Il va falloir que je regarde. Oh, je vais passer mon week-end. Et aussi, bien sûr, oui, Hugh Grant qui était présent. Mais il y avait quand même un beau casting. Hein, très beau casting, très bien joué. Et puis, c'est vraiment une très bonne adaptation. Et c'est Greg Wise qui jouait Willoughby. Oui, ah, l'infâme Willoughby. Le méchant de service, ça. Oui. Ensuite, on a Orgueil et Préjugé de Joey Wright en 2005. Oui. Dont on a parlé tout à l'heure, oui, avec Keira Knightley. Oui, qui est une bonne adaptation parce que bien qu'il s'éloigne, il y a pas mal de scènes qui ne sont pas reprises hein, du livre. Parce que le livre, et je vous dis, la série, c'est 6 heures. Hein, donc la série est très très proche. Donc bien sûr, dans un film qui dure moins de 2 heures, il faut bien sûr couper. Mais qui a fait une très bonne adaptation. Honnêtement, elle est très honnête. Ensuite, on a Emma l'entremetteuse de Douglas McGrath. Alors, dans les 1900... Emma, oui, dans les Emma, je pense que c'est Emma l'entremetteuse. Je pense que c'est une des meilleures avec Gwyneth Paltrow. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une des meilleures adaptations aussi, parce qu'il y a aussi d'autres acteurs, hein, Erwan McGregor qui joue dedans. Oui, elle est légère, elle est printanière, je ne sais pas comment le dire. Moi, je l'avais vue, oui, j'avais trouvé ça oui, sympa. Oui, oui, elle est très très bien. Pour quelqu'un qui n'est pas austinien, entre guillemets, oui, oui, oui. C'est une façon de découvrir. Oui, qui est c'est pas... une. Je pense que ça, c'est trois films dont on vient de parler, c'est vraiment le dans le top 10 des meilleures adaptations. En 96, on a eu aussi Emma de Gerwig Lawrence. Qui était plus traditionnel. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. On parlait là justement de. Pour aborder, bah voilà, si on n'a pas lu le roman. Oui, c'est... oui, oui, qui est beaucoup plus traditionnel, moins guirette que l'autre. Mais bon. Voilà, donc on va faire une petite pause musicale et on reviendra après aux années 2000. Mm-hmm. Donc on va faire la bande originale de Pride and Prejudice de 1995 avec le titre d'ouverture. Thank you. On revient à notre émission spéciale Jane Austen avec Joël et le fameux quiz vu pas vu, deuxième partie. Alors, je te propose le journal de Bridget Jones, une adaptation. Oui. On a écouté la musique tout à l'heure. Donc, fallait mettre un petit peu ce clin d'œil. Ça a permis aussi peut-être à des gens de relire Jane Austen. Oui, oui, je ne suis pas sûre que tout le monde avait les codes, les références pour comprendre. Bon, c'est un petit film gentillet. Oui, et puis moi, c'est un beau casting. Oui, c'est un très beau casting. Colin Firth, comme je disais tout à l'heure. Hugh Grant aussi, dans un rôle peut-être à contre-pied par rapport à ce qu'il a l'habitude. Et généralement, il est toujours le gentil. C'est le petit salopard, on peut le dire. Oui, voilà, c'est ça. Il est toujours normalement, c'est toujours le gendre idéal, alors que là, bon, c'est... Le personnage moins sympathique. Renée Zellweger qui joue très bien dans ce film, il n'y a pas de problème, c'est une jolie comédie. Bon, voilà. Ensuite, Orgueil et Préjugés, la version 2005 de... Tu l'as dit. Northanger Abbey, la version 2007 de John Jones. Alors, Northanger Abbey, oui, ça me dit quelque chose, mais j'ai perdu une page. Oui, je l'ai vu aussi. Northanger Abbey, c'est pas un livre très connu de Jane Austen. Hein. C'est un livre assez gentillet, voilà. C'est celui de John Jones, là, oui, dont tu parles. Oui, c'est ça. Celui de 2007. Donc, c'est mignon, c'est... Bon, voilà. Voilà, ça va. Pas plus. Ensuite, Persuasion, la version 2007 de Adrienne Sirgold. Alors, la version 2007, moi, je l'aime bien. Hein, j'aime bien les deux acteurs qui jouent dedans. Sally Hawkins et oui. Rupert Perry. Alors, j'aime bien. C'est vrai que c'est une œuvre, Persuasion, qui est une œuvre posthume. Hein, ça a été édité après la mort de Jane Austen. Hein. C'est pas non plus un livre très connu. Hein, cette femme qui... Ce triangle... Enfin, c'est pas vraiment un triangle, mais cette jeune fille qui a repoussé un prétendant qui s'est fait... on va dire circonvenir pour repousser un prétendant parce qu'il n'était pas assez bien pour elle et qui le retrouve quelques années plus tard et qu'il a plus ou moins réussi dans la vie. Enfin, il a des belles perspectives et qui finalement se demande si elle n'a pas fait une erreur. Enfin, voilà, en plus, c'est quand même, ce sont des questions d'actualité. Voilà, c'est un film qu'on pourrait presque refaire maintenant, de nos jours. Bon, mais là, sur les choix de vie. Oui, sur les choix de la vie. Est-ce qu'on a fait le bon choix à un moment donné? Est-ce qu'on s'est pas laissé un peu persuader par quelqu'un d'autre de faire des mauvais choix? Enfin, non, le thème est très d'actualité. Ensuite, un film qui va te dire quelque chose, puisque tu dis que tu as des copines, vous êtes un fan club. Jane Austen Book Club de 2007, oui, de Robin Swicourt. Oui, j'avais bien aimé. Avec entre autres Maria Bello, Jocelyne, Emily Blunt. Alors Emily Blunt, oui, je m'en souviens Cathy d'elle. Cathy Baker et Annie Brennan, entre autres. Hein. Oui, j'avais bien aimé. Ça, c'était un joli petit clin d'œil. Ensuite, une version de Mansfield Park, une autre version de 2007 de Ian B. MacDonald. Alors, de 2007, ah oui, c'était avec... Lucy Hurst. Oui, une jeune fille blonde. Alors, oui, moi j'ai bien aimé celle-ci. Il y en a une autre, hein, version. Alors, je ne sais pas si elle est plus ancienne ou plus récente, avec Frances O'Connor. Il y a deux versions de Mansfield Park. Les deux sont très, très bien. C'était en plus... c'est quand même un film qui... Enfin, c'est un film. Le livre, hein, dont le roman dont est tiré ces deux films, sont quand même très modernes aussi parce que il y a quand même une... Vous savez, Jane Austen, souvent, a été cantonnée à un rôle. Oh, bah oui, c'est des petites amourettes. Et souvent, c'est ça dans les films. On les cantonne aux petites histoires romantiques. Alors que dans le film, quand même, il y a aussi une dénonciation de l'État. C'est très féministe, hein, Jane Austen. Oui, ça condamne un peu le patriarcat. Voilà, tout à fait. Les femmes n'avaient le droit à rien. Hein, elles étaient complètement dépendantes de leur mari. Et dans ce film, et du coup dans, dans le livre et du coup dans les films, il y a aussi une dénonciation de la traite des esclaves, hein, parce que la famille dont où elle est, où la, l'héroïne est recueillie, c'est, je crois que c'est la famille de sa tante, hein, fait fortune sur la traite des esclaves, et c'est dénoncé dans le livre et dans le film. Derrière le sujet qui paraît romantique ou plus léger, il y a toujours quelque chose, ça veut dire chez Genocide, on retrouve bien cette critique sociale, entre guillemets. Tout à fait. Il y a le côté social qui est important. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à une première lecture qui est malheureusement souvent, romantique. Souvent celle qui est mise en avant. C'est une écrivaine romantique, oui, mais pas que. Ensuite, Austin Land, alors là, de 2013, de Jerusha S. Alors, c'est obsédé par la production BBC dont on parlait tout à l'heure. Une jeune femme qui est Carrie Russell se rend dans un parc à thème Jane Austen à la recherche de son Monsieur Darcy. Oui, oui. Alors ça, je l'ai vu il y a très longtemps. J'avais bien aimé. Voilà. J'avais bien aimé. C'est encore une fois, c'est un bon clin d'œil à tout l'univers de Jane Austen. En 2016, on aura le droit à Love and Friendship de Whit Stillman. Oui. Avec Kate Beckinsale. Ah, qui est magnifique. Qui est magnifique dans ce... Alors pareil, hein, c'est un roman épistolaire hein, de Jane Austen qui n'est pas très très connu. Hein. Et c'était Lady Susan, hein, le thème normalement, enfin le titre du livre. Et Kate Beckinsale, là elle est magnifique dans ce rôle. Pareil. Vraiment, elle est très belle. Kate Beckinsale qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les films d'action. Oui. Voir du fantastique. Oui, là, qui était dans un film en costume, c'était assez amusant. C'est là qu'on voit, amusant. Une fois de plus, ben, c'est des acteurs. Oui, oui. Et franchement, c'est un film qui n'est pas très connu et je pense qu'il pourrait être plus connu. Après, alors là, on va parler d'un ovni, si on peut dire, Orgueil, Préjugés et Zombies. En 2016, dont on a entendu une partie de la BO tout à l'heure. Eh ben oui. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui, non. Eh ben moi, je trouve ça très bien. Parce que le mélange de genres parfois n'est pas très heureux. Et là, honnêtement, je trouve que c'est assez bien réussi. Les costumes, ils n'ont pas lésiné sur les scènes d'action. Ils n'ont pas lésiné sur les costumes. Bon, voilà, c'est amusant, voilà. Bah, moi, ça m'a attiré. Oui. Ça m'a attiré de voir justement le côté, qu'on parlait tout à l'heure, le côté romanesque, et de mettre du zombie. Oui, voilà. Alors, ça m'a intrigué. Bah, j'aime bien, de toute façon, tout ce qui est un peu, qui sort de l'ordinaire, quoi. Voilà. Après, c'est réussi ou pas réussi, mais là, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je trouve qu'il faut pas bouder son plaisir, voilà. Ensuite, en 2020, on a le droit à une version d'Emma à nouveau, oui. Celle de Autumn Wilde. Oui, alors c'est pas ma préférée. Voilà, c'est pas, c'est pas ma préférée. Je l'ai vue aussi. C'est un peu. Non. Enfin, voilà. Ensuite, le dernier que j'ai mis dans la liste, mais après tu pourras en citer d'autres, parce que j'en ai sûrement oublié certains d'autres, j'ai mis Jane Austen, A Gâcher Ma Vie, de 2024. Oui, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Voilà. On aurait pu mettre n'importe quel autre acteur qui avait gâché sa vie, ça aurait fait pareil. J'ai trouvé ça gentillé. Et justement, s'arrêtant... Voilà, reprenant trop le côté romanesque de la chose, simplement, voilà. Oui, c'est plus superficiel, on pourrait dire. Oui, voilà. Voilà, c'est une comédie, quoi. Voilà, c'est une comédie, vite vue, vite oubliée. Ben, c'est pas mon truc. Est-ce que tu veux en rajouter une? Eh bien, écoutez, moi, je mettrais aussi Jane, de 2007, hein, qui raconte justement la vie de Jane, enfin la vie telle qu'on pourrait... Donc plus un biopic. Voilà, plus un biopic, et puis qui est aussi Le Choix de Jane, qui est un autre film de 2008, hein, 2007-2008. Donc il y en a eu pas mal hein, qui ont été tournés dans ces eaux-là. Alors pareil, qui est aussi inspiré de la vie et des lettres de Jane Austen. Et puis, qui sont deux films qui sont pas mal. Et puis alors, franchement, un qui vaut le coup, c'est Coup de foudre à Bollywood. Oui, de 2004. Ah, oh, vous l'avez pas mis dans. Non, je l'ai pas mis parce que j'avoue, celui-là, j'étais passé. Ah, il est passé à travers les radars. Eh ben, il faut le voir. Je trouve que c'est une très bonne adaptation. Curieusement, c'est une très bonne adaptation. Alors, sur justement le décalage, alors là, c'est plutôt deux cultures différentes, puisque ça se passe en Inde, et qu'on retrouve Madame Bakshi qui n'a qu'une idée en tête, c'est de marier ses filles. Et il y a des petites scènes de danse Bollywood. Non, on ne boude pas son plaisir, honnêtement, c'est tout en couleurs, c'est tout en joie. C'est vraiment Bollywood, quoi. Voilà, c'est Bollywood, mais avec Jane Austen. Et puis, bon, quand on sait encore les traditions qui sont là-bas, justement, oui, voilà, le mariage, c'est sacré. Voilà, on retrouve quand même quelques petites problématiques chères à Jane Austen sur la place de la femme, la place aussi, le poids de la culture et de la société. De la famille. De la famille sur les choix qu'ont à faire les femmes. Aussi, certaines réflexions qui sont faites par certains Indiens qui sont de classe supérieure par rapport aux autres. Enfin, voilà, il y a aussi des petits thèmes qui sont chers à Jane Austen que j'aime bien dans ce film. Et puis, voilà, c'est plein de couleurs. Donc voilà, on a, j'espère, fait le tour à peu près. On a peut-être certains qu'on n'a pas nommés forcément, mais déjà, je pense que si le thème vous intéresse, vous allez pouvoir les chercher par vous-même et il y a de quoi faire. Oui, en plus, on les retrouve pratiquement tous en DVD. Voilà, plus les romans, bien sûr. Alors, plus les romans, franchement, faites-vous toute la bibliographie de Jane Austen, franchement, c'est vite fait, hein. malheureusement, elle n'a pas eu le temps d'écrire beaucoup de livres. Hein. Il y en a 6 sûrs et puis plus quelques textes à côté. Elle est morte très jeune. Voilà. Et puis, lisez-le avec plusieurs lectures. Voilà. Ne vous arrêtez pas simplement à l'histoire d'amour. Eh bien, maintenant, je vous propose de passer aux événements cinéma de nos partenaires, les CGR Centres de Tours et les studios. Alors, comme d'habitude, on va avoir de quoi faire à Tours si on aime le cinéma, puisque le CGR Centre va organiser l'avant-première de « C'est quoi l'amour ?» le lundi 23 février à 19h45, en présence d'une partie de l'équipe du film. J'ai eu l'occasion de voir le film hier. Moi, j'ai bien aimé, une bonne comédie. Donc, je vous conseille d'y aller. Je pense que c'est une comédie qu'on peut voir en famille. On aborde l'amour, mais c'est pas. On n'aura pas une question, mais c'est. Ça parle de l'amour familial, de l'amour chez les ados, de l'amour tel qu'on le conçoit. On parlait tout à l'heure de la vie est un long fleuve tranquille. Ben, on voit qu'il y a différentes histoires d'amour dans une vie. Ben, vraiment, moi, je suis sorti, le titre est anodin. Et moi, je suis sorti content de voir ce film. Et puis, ben, petit scoop, on aura l'interview du réalisateur et un des acteurs bientôt dans Cinéphage. Donc, vous pouvez déjà vous préparer à aller voir ce film. Je pense qu'il aura un bon petit succès. Ensuite, une soirée culte 12 hommes en colère, le mercredi 18 février à 19h50. Pareil, un film absolument à voir. Hein, c'est sur la justice, et vous verrez que ben, c'est des thèmes qui sont toujours récurrents. Moi, je trouve que ce film, il vieillit bien. Ensuite, un film complètement différent, Aaron Lang. Donc, le jeudi 19 février à 20h, en avant-première française. Ensuite, eh bien, on parlait tout à l'heure du cinéma asiatique. Eh bien, il y a un festival du cycle coréen du 23 au 27 février, chaque soir à 20h15 au CGR Centre, avec Memories of Murder, The Ugly, qui sera en avant-première, Peninsula, A Bitter Sweet Life et First, Ceci est mon sang. Donc, des genres très différents, mais si vous voulez un petit peu faire un balayage du cinéma coréen, je pense que c'est intéressant. J'ai vu la plupart des films, par bien sûr The Ugly, parce qu'il est en avant-première, mais c'est des films qui sont assez sympas. Ensuite, bah, pour les plus jeunes, Jumpers, un film d'animation, ça sera le 1er mars à 13h40, donc un dimanche. Un ciné-débat, La Pampa, donc le film La Pampa, ce sera le mardi 3 mars à 20h. un marathon Twilight le 14 mars qui commencera à 10h45. Pour les fans de Twilight, dont je ne fais pas partie, mais tous les goûts sont dans la nature. Moi non plus. J'ai bien aimé la publicité pour le Canada, mais à part ça, voilà, les paysages sont beaux, mais bon, voilà, faut être fan. Hein. Même certains lecteurs du roman ont tiqué un petit peu. Donc, ensuite, eh bien, encore une avant-première pour le meilleur, le lundi 18 mars, avec Philippe Croizon et son réalisateur, Philippe Croizon, ce personnage haut en couleur, handicapé, sportif, réalisateur, chroniqueur. Normalement, c'est prévu, on devrait faire aussi une interview et avoir un spécial cinéphage pour le meilleur. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire au CGR Centre. Et on finit par une soirée culte Brokeback Mountain le mercredi 18 mars à 20h. Ça, c'était tout ce qui se passait au CGR. Centre de Tours. Et puis, au studio, on a Soulèvement de Thomas Lacoste le 18 février à 19h45. Et puis, arrivera du 19 au 24 mars le FICAT, le Festival International du Cinéma Asiatique de Tours. Là, on retrouve un petit peu des films de tous les pays d'Asie. J'ai eu l'occasion de faire ce festival une ou deux années. On découvre justement, c'est là que j'ai découvert le cinéma coréen. Et puis pas que, on parlait tout à l'heure de Bollywood, il y a des films indiens. Vraiment, c'est un moment de découverte parce que c'est pas un cinéma forcément qu'on connaît énormément. Et on peut applaudir l'équipe du FICAT et les studios parce qu'ils nous font quelque chose qui sort de l'ordinaire et puis qui continue puisque ça fait de nombreuses années. Bien sûr, c'est des fans. Et donc en général, quand c'est fait par des fans, c'est le genre de festival que les personnes adorent fréquenter. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les horaires des films à l'affiche de nos partenaires, les CGR Centre de Tours et les Studios de Tours. Et pour cela, vous allez sur leur site respectif. Et pour écouter nos émissions en podcast ou direct, allez sur notre site www.radioactivefm.fr. Nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage spécial Génostino Cinéma. Un grand merci à notre invité Joël. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Vincent à la technique. N'hésitez pas à nous contacter sur Radioactive si vous souhaitez devenir l'invité de Cinéphage. Nous vous retrouverons bientôt sur nos antennes pour un prochain Cinéphage en alternance avec Sérivore, notre émission sur les séries. Et en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye.